capricieux, qui nous taquine à qui mieux mieux. Il s'étire comme du chewing-gum, ce n'est pas du jeu, dès qu'il sent qu'on s'embête un peu. Mais sitôt qu'on l'attend, le temps prend tout son temps. Alors ? Alors quoi ? Bah, tu as rencontré nos voisins. Que t'a dit monsieur le Bourdon ? Il m'a ratatiné les oreilles. Non. Il m'a fichu à la porte. Non. Et il m'a botté le cul. Non. Et tu lui as parlé de la fête ? Pas eu le temps. Il m'a fait...